flammes stellaires s'ouvrant en silence. Les nuages ardents, chaque phrase brûle, chaque souffle est sang. Ton souffle pèse comme soleil mourant, chaque mot frappe, chaque cri brûlant. Ces murmures serrés, la foule succombe, happée, figée. Ton nom s'imprime dans le feu stellaire, chaque syllabe consume la matière. Le vent galactique déchire la peau, chaque mot. Sa voix m'obsède, la foule s'écroule, happée, possédée. Fire rider skill pulls us higher through the stars. Shadows fall, obsession reigns, consuming all. La foule s'efface à paix sans relâche. Son nom brûle comme braise éternelle. Chaque mot griffe, chaque phrase est cruelle. L'espace hurle, les flammes s'élèvent. Chaque mot tombe, chaque souffle. Riders Guild règne, son nom résonne. La foule succombe, happée, prisonne. Ton souffle ronge, ta voix m'attache. Chaque syllabe frappe, chaque mot s'arrache. Ces murmures serrés, la foule s'efface, brûlée. Je répète, passion règne désir de braise.